belles étoiles dans un cri d'amour. Je volerai vers toi, oubliant jusqu'à mon nom, criant plus fort vers l'horizon, vers toi. Retour immortel ou jaillissement, ébranlant les profondeurs, c'est ton printemps qui descend parmi les âmes. En priant, je l'entends. Car le feu a tout consumé, une brise céleste s'est levée sur l'humanité. Et tout à faire s'essouffle, nous partirons ensemble dans un autre univers, un autre silence. Dans un cri d'amour, je volerai vers toi, oubliant jusqu'à mon nom, criant plus fort vers l'horizon, vers toi. Retour immortel ou jaillissement, ébranlant les profondeurs, c'est ton printemps qui descend parmi les âmes. En priant, je